Lettre I du Dictionnaire des idées reçues. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Aldor. Dictionnaire des idées reçues de Gustave Flaubert. Lettre I. Idéal, tout à fait inutile. Idéologue, tous les journalistes le sont. Idolâtre, son cannibale. Iliade, toujours suivi de l'Odyssée. Illisible, une ordonnance de médecin doit l'être. Toute signature, idem. Cela indique qu'on est accablé de correspondance. Illusion. Affecté d'en avoir beaucoup, se plaindre de ce qu'on les a perdus. Ilote. Exemple à donner à son fils, mais on ne sait où les trouver. Image. Il y en a toujours trop dans la poésie. Imagination. Toujours vive. Sans défier. Quand on n'en a pas, la dénigrer chez les autres. Pour écrire des romans, il suffit d'avoir de l'imagination. Imbécile, ceux qui ne pensent pas comme vous. Imbroglio, le fond de toutes les pièces de théâtre. Immoralité, ce mot, bien prononcé, rehausse celui qui l'emploie. Impératrice, toute belle. Impérialiste, tout gens honnêtes, polis, paisibles, distingués. Imperméable. Imperméable. Très avantageux comme vêtement. Très nuisible, à cause de la transpiration empêchée. Impie. Donner contre. Importation. Ver rongeur du commerce. Impresario. Mot d'artiste qui signifie directeur, toujours précédé d'habile. Imprimé. On doit croire tout ce qui est imprimé. Voir son nom imprimé. Il y en a qui commettent des crimes rien que pour ça. Imprimerie. Découverte merveilleuse. A fait plus de mal que de bien. Inauguration. Sujet de joie. Incapacité, toujours notoire. Plus on est incapable, plus on doit être ambitieux. Incendie, un spectacle à voir. Incognito, costume des princes en voyage. Incrustation, ne se dit qu'en parlant de la nacre. Indolence, résultat des pays chauds. Industrie, voire commerce. Infanticide, ne se commet que dans le peuple. Infect, doit se dire de toute œuvre artistique ou littéraire que le Figaro n'a pas permis d'admirer. Inféodé, injure très grave et de grand style à jeter à la tête d'un adversaire politique. Monsieur, vous êtes un féodé à la Camarilla de l'Elysée. Ne s'emploie qu'à la tribune. Infinitésimale. On ne sait pas ce que c'est, mais à rapport à l'homéopathie. Ingénieur. La première carrière pour un jeune homme. Connaît les sciences. Inhumation, trop souvent précipité, racontait des histoires de cadavres qui s'étaient dévoré le bras pour apaiser leur faim. Injure, doit toujours se laver dans le sang. Inné, idée inné, le blaguer. Innocence, l'impassibilité la prouve. Innovation, toujours dangereuse. Inondée, toujours de la Loire. Inquisition. On a bien exagéré ces crimes. Inscription. Toujours cunéiforme. Inspiration poétique. Chose qui la provoque, la vue de la mer, l'amour, la femme, etc. Instinct. Supplé à l'intelligence. L'Institut. Les membres de l'Institut sont tous des vieillards et portent des abat-jour en taffetas vert. Institutrice. Sont toujours d'une excellente famille qui a éprouvé des malheurs. Dangereuse dans les maisons, corrompt le mari. Instruction. Laissez croire qu'on en a reçu beaucoup. Le peuple n'en a pas besoin pour gagner sa vie. Instruments. Les instruments qui ont servi à commettre un crime sont toujours contondants quand ils ne sont pas tranchants. Insurrection. Le plus saint des devoirs. Blanqui. Intégrité. Appartient surtout à la magistrature. Intrigue. Mène à introduction. Mot obscène. Invasion. Excite les larmes. Inventeur. Meurent tous à l'hôpital. Un autre profite de leur découverte. Ce n'est pas juste. Italie. Doit se voir immédiatement après le mariage. Donne bien des déceptions. N'est pas si belle qu'on dit. Italien. Tous musiciens, tous traîtres. Ivoire. Ne s'emploie qu'en parlant des dents. Ivresse. Toujours précédée de folle. Fin de la lettre I. Enregistré par Aldor. Cet enregistrement fait partie du domaine public.